s'autoclive. Das heißt auch anhängen. Das heißt nicht, que s'accrocher à lui. Amen. To be one with what Christ called the truth. Eins zu sein mit dem, was Christus Jesus Wahrheit nennt. Être un avec ce que Jésus Christ appelle la vérité. To be one with Christ that nothing can separate you. Eins sein mit Christus. Believe his message, no matter what. Unzertrennlich, dass du seiner Botschaft glaubst. Donc ça signifie que être vraiment être vraiment un avec sa parole, à le croire, s'accrocher à ça malgré tout. Bedingungslos glaubst. Sans condition, inconditionnellement. You know, to be one with Christ, that nothing can separate you except Christ Jesus. Eins mit Christus zu sein. Dass nichts sich trennen kann, außer Christus. Except Christ Jesus. To be one with him, that nothing can separate you except himself alone. Dass nur er selbst sich trennen kann. Connaître la vérité, ça signifie aussi être un avec Jésus-Christ, que rien d'autre te peut te séparer de lui, sauf lui-même qui te sépare des autres choses. Donc rien d'autre peut vraiment être, vous êtes vraiment intime comme un papier là, donc il n'y a rien qui peut vraiment vous diviser. Ah. You know, let me use this as an example. If Christ joins you together as husband and wife. Wenn Christus dich vereint mit jemandem als Ehemann, Ehefrau. Si le Christ te rassemble avec un homme ou bien une femme pour être un, oui, en Christ, uni. You know, a lot of us don't even know Christ for years. And we now know Christ maybe after marriage, when we are not married. It means when we are not married, the Lord is not saying go and separate from your wife. He says submit everything to me, even the marriage, so that I will not be the one that joins you together. I don't know if you understand what I just said. Einige Menschen erst zu Christus Jesus gekommen, als sie schon in der Ehe waren. Und der Herr sagt dann nicht, dass man aus dieser Ehe raustreten soll, sondern dass man diese Ehe dem Herrn übergibt, damit er derjenige ist, der der Kopf dieser Ehe ist und der auch derjenige ist, der diese Ehe geschlossen hat. Il y a autres personnes qui sont mariées même avant de connaître l'Éternel. Et quand maintenant tu connais l'Éternel, étant marié, l'Éternel ne te dit pas de te séparer de ton homme ou bien de ta femme. Il te dit, soumets-moi ton mariage pour que je puisse être la tête de votre mariage, pour que je puisse être au contrôle de vous. Amen. It means he is now in charge of the marriage. And not both of you. But he. And he himself alone can separate it. He's the only one that can separate it. If the marriage belongs to him. Das heißt, er ist jetzt der Kopf der Ehe, der Besitzer, dieser Eigentümer dieser Ehe, und er ist der Einzige, der diese Ehe scheiden kann. Donc, ça signifie que lui, il est la tête de ce mariage, et c'est lui la seule personne qui est capable de séparer ce mariage, de divorcer ce mariage. Pas quelqu'un d'autre, même pas toi, même pas la personne. Amen. Le partenaire. If he himself, if the marriage is him alone, nothing here on earth can separate it, not even fornication. I don't know if somebody is getting it. Not even anything here, what man calls sin, can separate it. Except what is called, he calls sin. If that means rejecting me, then you are dead. What he called dead, I don't know if somebody is getting it. Und, genau. Und diese Ehe kann nur scheiden, sozusagen. Und diese Ehe wird auch nur dann geschieden, wenn, kann nicht geschieden werden durch die Dinge, die diese Welt als Sünde bezeichnet, wie zum Beispiel Unzucht oder Fremdgehen, sondern sie kann nur durch das geschieden werden, was Christus Unzucht und Fremdgehen nennt, nämlich sich von ihm zu trennen, von ihm sich zu scheiden. Das Danke. Beendet diese Ehe. Donc, vu que lui, il est la tête de ce mariage, ça signifie que la séparation de ce mariage, le divorce de ce mariage, ça sera seulement basé sur ce que lui, il appelle péché, parce que ce monde appelle péché. Donc, pas si, selon ce monde, vous pouvez se séparer parce que quand vous faisiez la fornication, quand quelqu'un est mort, non. Mais en Christ, c'est ce que lui, il appelle péché. Et c'est le péché que lui, il titulaire comme péché, c'est quand un de vous, ou bien quand l'être humain n'est plus en accord avec lui, quand une personne est mort spirituellement, il est mort, même pas physiquement. C'est là que lui, qu'il a une division. C'est pas selon ce monde, c'est selon Jésus-Christ, selon sa définition. I hope you understand what I mean. Praise the Lord. Amen. Nothing here, what my cause said, can separate you. Mm-hmm. Not even fornication. Mm-hmm. Or what they call adultery. Sünde nennt, kann dich trennen von dem Herrn. Also, ob es Unzucht ist oder Ehebruch oder sonstiges. Il n'y a rien ici sur terre qui peut séparer ce mariage qui appartient à Christ ou au Christ, même pas l'adultère et même pas la fornication. Amen. Amen. It is Christ alone that can separate you. Es ist Christus Jesus alleine, der dich trennen kann. C'est seulement Jésus Christ lui-même qui est capable de se séparer de ce mariage. If one say no to Christ, das heißt, wenn einer Nein sagt, it is over with the marriage. Es ist vorbei mit der Ehe. Ça signifie que si un ou bien une personne dit non au Christ, c'est là que ce mariage n'est plus un mariage, là qu'il y a un divorce. Amen. It means death to one. It means one is dead. C'est une personne est morte. C'est là que l'Éternel considère que quelqu'un est mort parce que la personne n'est plus en lui. C'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle parce que lui il considère que l'esprit. Praise the Lord. Hallelujah. You know Christ kingdom. It's all about the spirit. If we live in the spirit, let us walk in the spirit. Da geht's um den Geist. Wir leben im Geist, lass uns auch im Geist wandeln. Donc, il nous dit à Galates 5, 25 que si on est de l'esprit, on doit aussi vivre selon l'esprit, seulement considérer l'esprit. You know, the Bible talks about once one died, then the other one can continue. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. To die. It is not what man call or man and religion call death, but what Christ called death. Und die Bibel sagt, ne, bis dass der Tod euch scheidet. Und es geht nicht um das, was die Welt Tod nennt, sondern das, was der Geist, was Christus Jesus Tod nennt. Das ist die Trennung von ihm. La Bible nous dit que jusqu'à que la mort vous sépare, mais il s'agit pas de la mort physique. Il s'agit de ce que lui il appelle la mort. Et vu qu'il est seulement pour l'esprit, et il dit que c'est la mort spirituelle. Are you getting it? Mm. So also to be blind. You know what he called blind? What they call blind? It is different from what he called blind. Yeah. You know the Pharisee, they said he could see. Yeah, the Lord said, then you have problem if you can really see. Praise the Lord. Hallelujah. Genau, auch die Blindheit, von der Herr spricht, ist nicht die Blindheit von dieser Welt. Genauso als Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, dass ich wünschte, ihr wärt blind. Weil dann hättet ihr eine Ausrede. Donc on peut voir même le mot aveugle, l'Éternel le dit, lui il a expliqué que selon lui la parole être aveugle c'est différent de ce monde. On se rappelle quand il a dit aux les pharisiens, dit que ben nous on voit, nous sommes pas aveugles. Et là Jésus-Christ les dit que donc j'espère que pour moi ça allait être même mieux si vous étiez aveugle, c'est moi là je vous allais vous ouvrir les yeux. Ils n'étaient pas capables à le comprendre, mais l'Éternel était en train de parler de l'esprit. Il considère toujours l'esprit. On le voit ici clairement. Amen. What heaven called blindness is different from what they call blindness. Blindheit nennt ist anders als das, was diese Welt Blindheit nennt. C'est que ce monde appelle être aveugle, c'est différent de ce que Jésus-Christ appelle être aveugle. What heaven called death is not what man called death. Der Himmel tot. Let's go to Romans 7. Mensch tot nennt. C'est que Jésus. C'est que ce monde appelle la mort, c'est pas ce que Jésus-Christ appelle la mort. Römer 7. Romains 7. Praise the Lord. Hallelujah. Romains 7. Römer 7. From 1 to 3. 1 bis 3. Romains 7. 1 à 3. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the Bible always uses the natural things to teach us the spiritual things. Die Bibel benutzt immer die natürlichen Dinge, um die übernatürlichen Dinge zu erklären. La Bible nous fait toujours voir, utilise toujours les choses naturelles à nous expliquer les choses surnaturelles. From verse 1, please. 1. He said, know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he liveth. Verse 2. For the woman who had an husband is bound by the law of her husband, so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loose from the law of her husband. So then, if while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be dead, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. I hope you understand what you say. If the kingdom of Christ Jesus, I hope you just understand. You understand what happened. J'espère que vous avez compris Romains 7, 1 à 3. Amen. Mm-hmm. Let me explain it before I go further. Yep. Je vais vous expliquer. You know, here is telling us that what can separate us in the kingdom of heaven is Christ Jesus. Mm-hmm. And nothing else. Not fornication, nor is a witch, is a wizard, cannot separate you. It's a witch, a wizard cannot separate you. Whatever that person is cannot separate. We don't judge by the sight, by the flesh. We judge in the spirit. Mm-hmm. And that spirit, only one spirit we know, and Christ Jesus, that is the spirit. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. So hier wird ganz klar, dass das Einzige, was uns von Menschen trennen kann, ist Christus Jesus. Nicht, dass diese Menschen Sünde getan haben oder dass sie Hexen sind oder Magier sind oder sonstiges, sondern es geht nur um Jesus Christus. Hat diese Person Jesus Christus verweigert, ja oder nein? Mm-hmm. Donc on peut voir ici que ces passages nous fait voir que il y a que Jésus Christ qui est capable à séparer son propre mariage et pas le fait que la personne a commis de l'adultère ou bien a fait n'importe quel péché. Non, il s'agit seulement de si la personne a refusé Jésus-Christ, oui ou non. Are you getting it? Mm-hmm. He's killing people everywhere. I cannot separate you. Mm-hmm. Should not separate you. Massenmörder ist. Das sollte dich auch nicht trennen von dieser Person. Même si la personne est est en train de tuer, il a tué 3, 4, 5 personnes là, ça ne va même pas te séparer de cette personne. He or she is falling, drinking everywhere, falling to gutter. Everywhere, every day. If he's doing everything on his body, it should not separate you. It's only I'm talking about the kingdom of heaven. Mm-hmm. I'm not here. You know, here I love them. Even funny things can separate them. Everything separate them. But in the kingdom of heaven is Christ Jesus alone. Dass die Person sich die ganze Zeit voll säufst und sich auf der Straße, keine Ahnung, überall auf der Straße zu finden ist, das ist auch kein Grund, dich von dieser Person zu trennen. Es geht nur um Jesus Christus. Und das ist im Königreich des Himmels nur so. Weil in dieser Welt wissen wir, dass die Menschen sich wegen jeder Kleinigkeit trennen. Donc on voit que dans ce monde, on a vraiment écouté beaucoup des raisons dans lesquelles les personnes sont en train de se séparer. Mais dans le royaume des cieux, c'est seulement Jésus-Christ. Dans ce monde, les gens se séparent parce que oui, une fait pipi au lit, l'autre ne boit toujours de l'alcool, il est sous l'art. Mais dans le royaume des cieux, c'est seulement Jésus-Christ qui nous sépare, rien d'autre chose. Amen. Mm-hmm. In the kingdom of Christ Jesus, where we belong. We are in this world, but not of this world. Im Königreich von Christus, zu dem wir gehören, sind wir auf dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Dans le royaume des cieux, de là où on appartient, d'où on vient, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. We just read a place where it talks about death. If one died, the other one is free. That's what we just read. Gelesen, dass wenn einer stirbt, ist der andere frei. Mm. Donc on voit ici que si un meurt, l'autre est libre. In heaven, they are not after what man called death. Are you getting it? Mm-hmm. Here is not talking about what man and religion called death, but what Christ called death. Hier geht es nicht um das, was der Mensch Religion Tod nennt, sondern es geht um das, was Christus Jesus Tod nennt. Ici, il ne s'agit pas de ce que ce monde appelle la mort, il s'agit de ce que Jésus-Christ appelle la mort. If you remember Genesis 3, oder 1. Mose 3, si tu lis Genèse 3. In Genesis 2, God introduced death to Moses, to Adam, sorry. That God, he introduced death to Adam. Adam den Tod vorgestellt. On voit qu'en Genèse, Jésus-Christ, Dieu a présenté la mort à Adam. He said, if you disobey me, if you say no to me, you will surely die. Er gesagt, wenn du Nein zu mir sagst, it's not Satan that will kill you. You will sure, I will make sure you die. Donc on voit que même Dieu, il a dit à Genèse 3, que, il a dit à Adam que si tu me désobéis, c'est là que tu seras vraiment mort. C'est là que tu as une garantie de la mort. C'est ce qu'il a dit, c'est pas quelque chose d'autre. Il a dit que si tu me désobéis. Adam obeyed Satan. Adam hat dem Satan gehorcht. And said no to the only true God. Er hat nein zum einzig wahrhaftigen Gott gesagt. Et on voit que Adam, il a obéi le diable, il a rejeté le vrai bon Dieu. And before then, you know, Adam, he also introduced death to Adam. Und vorher hatte as Adam he introduced Satan. He introduced death to Adam. He said death is there, but it's powerless. Mm. Without you disobeying me. Mm. Und er hat ihm gesagt, dass der Tod ist zwar da, aber er ist kraftlos, solange du mir gehorchst. Aber wenn du mir nicht gehorchst, wird er Kraft haben, dich zu töten. Et il a introduit la mort à Adam. Et quand il a fait ça, il a dit que la mort, il est là, mais il n'a pas de puissance. Sauf si toi, tu me désobéis. Donc, il a dit à Adam, tu seras mort quand tu me désobéis. It was not Satan that introduced death to Adam. Es war nicht der Satan, der Adam den Tod vorgestellt hat, sondern Gott. Donc, c'était même pas le diable qui a expliqué, qui a introduit la mort à Adam, c'était Dieu lui-même. And we all know that Adam, you know, disobeyed God. Wir alle wissen, dass Adam Gott missachtet hat. Et nous tous, on sait que, oui, que Adam a désobéi. And we know that God never lies. He never says something and just let it go. Dass Gott niemals lügt, dass er nicht etwas sagt und ist dann nicht passiert. Et nous tous, on sait que Jésus-Christ, que Dieu, lui, il ne ment pas. Dès qu'il dit quelque chose, il va pas l'oublier. Are you getting it? Yes. And Adam, he died. Jesus, he died. Und Adam ist gestorben, still here on earth. Aber immer noch auf Erden. Et on voit, selon la Bible, à Genèse, si on continue à lire, on va voir que Adam était mort. Mais malgré, il vivait encore beaucoup des années, mais il était mort. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, if you say no to Christ Jesus, he's dead. Wenn du Nein sagst zu Christus, Jesus, bist du tot. Donc, si tu dis non au Christ, tu es mort. You know, Adam did die because he said no to the only true God. Mm-hmm. Adam ist gestorben, weil er Nein gesagt hat zum einzig wahrhaftigen Gott. Mm-hmm. Adam était mort parce qu'il a dit non, il a rejeté le seul vrai bon Dieu. Are you getting it? Mm-hmm. Again, in our marriage, which is heavenly marriage, the only thing that can separate us as husband and wife is saying no to Christ Jesus. Mm-hmm. Nochmal in unserer Ehe. Yeah. Es sollte das Einzige sein, was uns trennen kann, wenn einer Nein sagt zu Christus Jesus. Das heißt Tod. Mm-hmm. Donc la conclusion de toute cette explication est que dans notre mariage, la seule chose qui va nous séparer de l'un et l'autre dans un mariage qui vient du Christ, c'est quand l'un de ces deux personnes refuse et rejette l'Éternel. Et ça signifie la mort. Vu que la mort, c'est quand toi tu rejettes l'Éternel. Are you getting it? Mm-hmm. If one is not saying no to Christ Jesus, it's automatically dead. This is tot, it's vorbei. Donc si l'un de ces deux personnes rejette l'Éternel, le seul vrai bon Dieu, qui rejette Jésus-Christ, qui est la vérité, ça c'est une mort automatique. And it's no longer, he or she is no longer choosing Christ. Und er oder sie wählt Christus nicht mehr. Ça signifie que la personne ne choisit plus Jésus-Christ. Amen. Amen. In accord with true lies and lies die Wahrheit, Lüge und die Lüge Wahrheit. Donc ça signifie que la personne a commencé à laisser la vérité, parce que vu que Jésus-Christ est la vérité, il a commencé à accepter les mensonges du diable. Our marriage is not based on the love of this world. Unsere Ehe basiert nicht auf der Liebe dieser Welt. Notre mariage n'est pas basé sur l'amour de ce monde. Ha, praise the Lord. Hallelujah. What they call love? Was sie Liebe nennen. Is evil before Christ. Amen. Ist bösartig vor Christus. Ce que la terre, ce monde appelle l'amour, c'est vraiment mauvais. Oui, c'est mauvais devant l'Éternel. Our marriage is based on Christ. Unsere Ehe basiert auf Christus Jesus. Notre mariage est basé sur Jésus-Christ. The love of this will have nothing to do with our marriage. Die Liebe dieser Welt hat nichts mit unserer Ehe zu tun. Amen. L'amour de ce monde, ça n'a rien à faire avec notre mariage. Because the love of this world is evil before Christ, and it must be evil before us. Die Liebe dieser Welt bösartig ist vor Christus und sie muss auch bösartig vor uns sein. C'est-à-dire que on voit que l'amour de ce monde, c'est vraiment mauvais. C'est mauvais devant l'Éternel et ça doit aussi être mauvais devant nous parce que nous on est en Christ, il vit en nous. No to Christ. It's what heaven called no. It's what heaven called death. It's what the Himmel Tod nennt. Refuser Jésus-Christ, refuser le seul vrai bon Dieu, Jésus-Christ, c'est aussi ce que le royaume des cieux appelle la mort. It also means the marriage is dead. Ça signifie que le mariage est mort. Because that's what has been joining them. Weil das ist das, was sie verbunden hat. Parce que c'est ce qui était entre qui était en commun qui les unissait. Are you getting it? What gave our marriage life is Christ Jesus. Amen. Was unser Eheleben. He said, I am life. He said, I'm the resurrection and life. Amen. Amen. What gave our marriage life? If not, your marriage is a dead marriage. Was unser Eheleben schenkt, ist Christus Jesus. Amen. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Amen. Et ce qui est en train de donner notre mariage de la vie, qui est en train de, oui, de donner ce mariage de valeur de la vie, c'est Jésus-Christ. Parce que lui, il dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Et donc, c'était lui la vie dans notre mariage. Et si tu refuses Jésus-Christ, donc c'est la mort. Amen. Amen. What gives our marriage life is Christ Jesus. And not what they call love. Was unserer Ehe Leben gibt, ist Christus Jesus selbst und nicht das, was diese Welt Liebe nennt. Donc, ce qui donne de valeur à notre mariage, c'est Jésus-Christ, pas ce que ce monde appelle l'amour. Amen. Amen. Let us run away from hypocrisy and run away from their evil love. Lass uns bitte davon fliehen, von dem, was sie Liebe nennen. On doit vraiment fuir de ce que eux ils considèrent comme l'amour. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Again, Romans 7 from verse 4. Look at 4. Amen. Romains 7. He said, wherefore, my brethren, 4. Ye also have become dead to the law by the body of Christ. You see there. Mm-hmm. By the body of Christ. He used that tough husband and wife to explain that of Christ. So that we can get it properly. Die Ehe, um das von Christus zu erklären. Was now I've had my marriage here. Donc, on voit ici verset Romains 7, verset 1, 2 et 3. Il nous explique des histoires, le mariage, genre le mariage terrestre. Mais verset 4, il nous dit, « Ainsi, mes frères, vous aussi vous êtes morts à la loi, car le corps du Christ, de Jésus-Christ, pour que vous soyez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que vous nous portions, portions des fruits pour Dieu. » Donc, on voit ici qu'il ne s'agissait, jamais de mariage terrestre, mais il s'agissait toujours de Jésus-Christ quand il expliquait ce passage. Praise the Lord. Hallelujah. Wherefore, my brethren, you also are become dead to the law by the body of Christ, that you should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. Hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Here is telling us that we are dead to the law. Hier sagt, hier steht, dass wir tot sind zum Gesetz. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions qui engendrent les péchés, excités par la loi, agissaient dans nos membres de manière à produire des fruits pour la mort. Ça signifie qu'il nous fait voir que maintenant on est mort de l'ancien. Donc on n'est plus... nous sommes vraiment morts pour la loi. Amen. We are dead to what man calls death. Tod gegenüber dem, was der Mensch tot nennt. On est vraiment mort devant ce que l'être humain appelle la mort. We are dead to what man and religion call sin. That's why we don't judge by those things. We judge by are you choosing Christ or not. Deswegen richten wir auch ein Urteil nicht mehr nach dem, sondern wir urteilen nach dem, was Christus Sünde nennt. Et c'est pour cela que nous sommes aussi morts devant ce que le monde appelle péché. Et c'est pour cela aussi qu'on ne juge pas selon le péché de ce monde. On juge selon notre jugement est toujours basé si tu choisis Jésus-Christ, oui ou non. Si tu veux être né de nouveau. Si tu veux renouveler tes pensées, oui ou non. Are you getting it? We are dead to sin. What they call sin, we are dead to them. And that's why we don't judge by them, by those things. We don't see those things. What we see is that are you for Christ or not? Wir sind tot gegenüber den Sachen, die sie Sünde nennen, und leben gegenüber dem, was Christus Leben nennt. Und deswegen richten wir auch nicht nach dem, was sie tot nennen, sondern nach dem, was Christus tot nennt. Et c'est pour cela que nous sommes morts sur ce que eux ils appellent péché, mais on vit à travers Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ appelle la vie, et c'est lui-même. Et c'est pour cela qu'on juge seulement selon le Christ, selon l'Esprit, et plus selon la chair. We don't judge by the fruit. Wir richten nicht nach der Frucht. All this fornication and all that, they are fruit. We judge by the roots. Seine Frucht, aber wir richten nach der Wurzel. Christus Jesus festhalten. Et c'est pour cela on ne juge plus à travers les fruits, genre fornication, mentir, tout ça. Non, on ne juge pas selon les fruits, on juge selon l'esprit. Et l'esprit, ça signifie que est-ce que la personne s'accroche à l'Éternel, oui ou non? We judge by what Christ calls sin. Wir richten nach dem, was Christus Jesus Sünde nennt. On juge selon ce que Jésus-Christ appelle la, le péché. Johannes 16. Nicht nach dem, was sie so nennen. Et pas selon ce qu'eux, ils appellent les péchés. Praise the Lord. Amen. John 16. Johannes 16. Jean 16. Verse 9, because of time. 16, Vers 9. Jean 16, verset 9. He said, the Holy Spirit will help us to know what sin is. Der Heilige Geist wird uns helfen. So, sorry. Of sin because they believe not on me. That's singular. Say no to me. Weil sie Nein sagen zu mir. Reject him, ignoring me. Weil sie mich verweigern, ignorieren. Das ist die Sünde. I have a sin. Amen. Jean 16, verset 9 et 10 nous révèle, nous fait voir qu'est-ce qui est le péché selon Jésus-Christ. Il a dit, verset 9, au sujet du péché, parce qu'ils n'ont pas cru en moi. Au sujet de la justice, parce que je... verset 8 nous fait voir... oui, et ça nous fait voir que c'est seulement quand on ne croit pas en Jésus-Christ, c'est ça le seul péché qui existe pour nous, les enfants de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. We judge by what Christ calls sin. Wir richten nach dem, was Christus Sünde nennt. Oui, ici, on est en train de juger selon ce que Jésus-Christ appelle le péché. What Christ calls sin is what we must call sin. Was Christus Sünde nennt, because we belong to the sin of Christ. Amen. Mm-hmm. C'est que Jésus-Christ appelle le péché, c'est ce que nous aussi on doit seulement considérer comme péché parce que nous on appartient, on appartient au royaume des cieux. Amen. Amen. No longer believe in the truth. That's what he calls sin. Nicht mehr der Wahrheit glauben, das nennt er Sünde. Si tu ne crois plus à la vérité, ça c'est le péché. The truth is now opposite to you. Die Wahrheit ist jetzt dein Feind. That's sin. Das ist Sünde. Donc quand la vérité devient quelque chose autre, ça c'est le péché. Praise the Lord. Hallelujah. That your spirit is safe. Never threaten Satan. Dass dein Geist errettet ist, das bedroht den Satan nicht. Et c'est pour cela, c'est la raison laquelle le diable n'est pas menacé si ton esprit est né de nouveau. Because of your soul. Wegen deiner Seele. À cause de ton âme. Or a new soul. Unerneuerten Seele. Ton âme qui n'est pas, qui n'est pas renouvelée. Unerneuerten Seele. Ton âme qui n'est pas encore sauvée. Your soul is still in bondage. Deine Seele ist immer noch in Gefangenschaft. Ton âme est toujours en captivité. Amen. Mm-hmm. You know, if you die immediately after receiving Jesus Christ into your spirit, you are free because it is over with your body, with your soul and body here on earth. Mm-hmm. After receiving Jesus Christ, if you die immediately, you can make heaven. Because it is over with your spirit, your soul and body have nothing to do with here any longer. Mm-hmm. Wenn du, nachdem du Jesus Christus empfangen hast, direkt stirbst, dann wirst du es im Himmel schaffen, weil deine Seele und dein Körper können das, was in deinen Geist gelegt worden ist, nicht mehr angreifen. Mm-hmm. Aber wenn das nicht der Fall ist, nur noch ein paar Jahre oder sogar fast Stunden, noch hier hast, dann sollst du lieber deine Gedanken erneuern. Et si tu es, par exemple, né de nouveau, et après directement tu meurs, tu peux toujours aller, tu appartiens toujours au royaume des cieux parce que... Parce que ton âme n'a plus rien à dire, parce que tu n'es plus ici sur terre. Ton âme ne doit plus être renouvelée parce que de toute façon tu es morte. Donc il s'agit seulement de ton esprit. Mais si tu es encore ici sur terre, là tu as intérêt à renouveler tes pensées, que ton âme soit aussi sauvée comme ton esprit. Parce que ici, parce que si ton âme n'est pas encore renouvelée, tu auras du mal à rester en Christ. Amen. Remember the thief on one side, Jesus. That's before when Jesus was crucified. Are you getting it? Rappelle-toi, he was in paradise immediately. Rappelle-toi du voleur qui a été crucifié avec Jésus-Christ à la droite du Christ. Lui, il était immédiatement au royaume des cieux. Il va direct en paradis. Amen. Mm-hmm. Because his soul and his body were no longer here. Weil seine Seele und sein Körper nicht mehr hier waren. Parce que quand son âme a été née de nous, quand il a été, son âme était sauvée, son corps et son esprit était sauvé, pardon, son corps et son âme n'étaient plus ici dans cette terre. If you receive salvation in your spirit and your soul and your body, you are still here on earth. You are still in bondage until you know what Christ called the truth in your soul. Wenn du Errettung hier auf Erden empfängst, wiedergeboren wirst und immer noch weiterlebst danach, bist du immer noch in Gefangenschaft, bis deine Seele erneuert anfängt, sich zu erneuern mit der Wahrheit. Donc si tu es, si tu es né de nouveau et tu es encore ici sur terre et ton âme n'est pas encore renouvelée, là tu es toujours dans les captivités de ce monde et c'est une question du temps jusqu'à ce que les mensonges du diable seront ta vérité. On va lire Romains 12. Praise the Lord. Alléluia. Romains 12. Romains 12, 1 et 2. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse 2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Praise the Lord. Hallelujah. Said our soul must be renewed. Unsere Seele muss erneuert werden. Il nous fait voir aussi qu'on doit renouveler nos pensées. Amen. Mm. Your mind must be transformed by Christ. Your mind, your soul, part of you that erneuert sein. Et on ne vous conformez pas au siècle présent, mais transformez-vous par les renouvellements de l'esprit afin que vous pouviez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Praise the Lord. Alléluia. I don't know what the time has gone. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. You can see here it's talking about your soul. That your spirit is saved does not mean your soul is saved. Dass dein Geist errettet ist, heißt nicht, dass deine Seele errettet ist. Donc ici, il nous parle de notre esprit. Et ici, Romains 12, 1 et 2 nous fait clairement voir que le fait que ton esprit est né de nouveau, est sauvé, ça ne signifie pas que ton âme est sauvée. Donc tu as toujours besoin de renouvellement des pensées. Your soul must be transformed. Deine Seele muss erneuert werden. Ton âme doit être transformée. By obeying the truth. Wenn du der Wahrheit et quand tu es en train d'obéir à la vérité. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Ça c'est 1 Pierre nous le fait voir. Praise the Lord. Alléluia. 1 Pierre va en profondeur. Praise the Lord. Hallelujah. You know, in John 8, there's something I want to quickly say before we close. In from verse 30. Jean 8, verset 30. We are there. We have been there. Jesus, you know, here Jesus was speaking to believers and not to the unbelievers. Sprach Jesus zu den Gläubigen und nicht zu den Ungläubigen. Ici, Jésus-Christ parlait aux croyants et pas aux incroyants. He was speaking to those who believe on him already. Er hat zu denen gesprochen, die schon an ihn geglaubt haben. Il s'adressait déjà aux gens qui croyaient en lui. Then in verse 31, he said, I must continue to be your focus. Mm. That's what Jesus said. 31 sagte, ich muss weiterhin euer Fokus sein. Donc, il dit que si vous demeurez dans ma parole, ça signifie que je dois toujours continuer à être votre, votre focus. Remember, he said, if you continue, you see there. He said, if you continue, it means I must continue to be your focus. Ich muss weiterhin euer Fokus sein, wenn ihr weitermacht. Donc, vous devrez demeurer, si vous demeurez dans ma parole, donc si ma parole reste dans votre cœur. If you continue in me, if you continue in my word and not in yourself. In meinem Wort und nicht in euch selbst. Donc, il dit que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il ne dit pas que si vous continuez à vivre comme vous voulez ou bien en vous-même, à votre carrière. Non, il dit que si vous demeurez dans ma parole. Are you getting it? Mm-hmm. If you continue to allow me to be everything for you, as you see me alone, dass ich alles bin für dich, dass du mich alleine siehst. Si tu demeures dans ma parole et que tu continues à me voir seulement moi, seulement donc tout s'agit dans ta vie, il s'agit seulement de moi. Then you can be free. Dann kannst du frei sein. C'est comme ça que tu es capable à connaître la vérité. Are you getting it? Mm. And that truth Hier ist die Freedom. Ist die Freiheit. Du kannst die Sexualität weiter franchir. Du kannst die Wahrheit nicht kennen und nicht frei sein. Donc, ça signifie que tu n'es pas capable à connaître la vérité et à être en captivité. We will not have time to go through others. We still have that. The next supposed to be beware of the spirit of I. The spirit of ish. The next supposed the spirit of me. Mm-hmm. It's all about me. Sind durch den Acht vor dem Geist des Selbst, dass es nur um dich geht, dass es um dich geht, was du willst. Et le deuxième point qu'on va pas être capable d'y en parler aujourd'hui, il s'agit de faire attention de l'esprit de moi, hein, de tout simplement se voir soi-même. Just like as I explained, the Lord help us to understand it on Sunday. This spirit is so dangerous. It's a dangerous spirit, the spirit of I. The greatest enemy to man is I. And this spirit is double-edged sword. Und dieser Geist ist sehr gefährlich. Und dieser Geist ist der größte Feind des Menschen. Er ist ein zweischneidiges Schwert. Donc l'esprit de se voir soi-même, de se considérer soi-même, de voir sa vie, de le mettre toujours en valeur, c'est vraiment très dangereux. Et c'est aussi comme un épée à double tranchant en fait. Amen. It can be attacked. It can be attacking somebody. And you will know it's attacking somebody, and at the same time, it will be attacking you. No. That's their spirit. And that's why Galatians 6:1, we will close with that, please. Und dieser Geist ist sehr gefährlich, weil dieser Geist, du kannst sehen, wie dieser Geist jemand anderen überfällt und übermannt. Und während du das siehst, übermannt dieser Geist dich selbst aber auch. Donc, cet esprit-là, il est vraiment mauvais et dangereux, parce que ça peut attaquer une personne, tu peux voir comment c'est en train d'attaquer quelqu'un que tu vois, mais c'est aussi capable à t'attaquer aussi toi, sans le savoir. Praise on va clôturer avec Galates 6. Amen. Amen. Galatians 6:1. Galatians 6:1. Galatians 6:1. Amen. They said, brethren, if a man be overtaken in a fault, you wish a spiritual restore such an one in the spirit of meekness, considering yourself, lest thou also be tempted. Because of that spirit of self. Diesen Geist des Selbst, dass du nicht auch davon befallen wirst. Frère, lors même qu'un homme se serait laissé surprendre à quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, prenant garde à vous-même, de peur que vous ne tombiez aussi en tentation. Donc cet esprit-là, ça peut attraper quelqu'un, et si tu n'es pas étant un enfant de Dieu, si tu n'es pas attentive, ça peut aussi te blesser aussi. He can be attacking others at the same time attacking you. You are correcting somebody to get out of self, and at the same time you are full of yourself. That's that spirit. That's why it's so dangerous. You are correcting. You are saying get out of self. And immediately he's attacking you. If you are not careful with that spirit. And not if you. That's why. Verse 4. Und dieser Geist ist sehr gefährlich. Weil wie gesagt, ne, du belehrst jemanden nicht im Selbst zu sein. Aber währenddessen bist du voll von deinem Selbst. Donc ça signifie que tu peux même voir que quelqu'un, ton frère, en train de faire quelque chose de mal en Christ. Et tu es en train d'avertir la personne et dire fais attention de cet esprit. Mais dans ce moment-là, sans le savoir, toi-même aussi tu commences à avoir l'esprit du soi. Le verset c'est we should prove. Prove, is it about you? Geht es um dich? Or about Christ? Christus. Verset 4 nous fait voir que chacun examine ses propres œuvres. Est-ce qu'il s'agit de toi ou du Christ? Let it be about Christ. Dass es um Christus geht. Fait à permet qu'il s'agisse du Christ. Are you getting it? Is it about Christ or just a little is still there that is about you? Just a little, and that little is too much for Satan. Oder geht es immer noch ein bisschen um dich, aber dieses bisschen ist schon so viel für den Satan, dass er nutzen kann. Est-ce qu'il s'agit du Christ ou bien même un peu de toi? Et ce petit-là qui s'agit de toi, c'est déjà suffisant pour le diable pour t'attaquer. Praise the Lord. Hallelujah. No man can eat a little shit in any food. Anything little is just too much for Satan to live, to still allow to be there. that you know that is safe. Let everything be Christ Jesus. We close here, please. Kein Mensch kann ein bisschen Mist im Essen vertragen. Sondern er wird direkt sagen, es geht nicht, ich kann das nicht essen, es ist egal, wie lecker das ist, egal, wie viel Mühe du gemacht hast, da ist Mist drin, ich packe es nicht. Und genau so sollte ich es auch mit Christus sehen, dass es ist Christus allein. Wenn ein bisschen Selbst da drin ist, dann ist das nicht, geht das nicht. Donc on doit vraiment considérer le Christ seul. Je ne peux pas dire, oui, le Christ est la majorité, mais un peu de bénéfice, je veux aussi, il s'agit aussi un peu de moi. Non, on ne doit jamais l'aimer parce qu'il n'y a personne, le petit là, les petites choses là, on ne doit jamais les sous-estimer parce qu'il n'y a personne ici dans cette terre qui est capable à dire que oui, il y a un bon gâteau, mais il y a un peu de caca là-bas et que quelqu'un va le manger. Personne ne va jamais vouloir manger la nourriture où il y a un petit caca là-dedans. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.